proposition ? Quelle proposition ? Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous ? C'est celui de la communauté. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle, je le répète, chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même, et dans lequel on mettra en commun un domaine qui est dans l'intérêt de tous et qui comprendra la défense, l'action extérieure, la politique économique, la direction de la justice et de l'enseignement et les communications lointaines. Cette communauté aura des institutions, le président de la communauté, le conseil exécutif de la communauté où se réuniront les chefs de gouvernement avec les ministres chargés des affaires communes, et le Sénat de la communauté, formé par les représentants de tous les territoires et de la métropole, et qui délibérera des affaires communes. Enfin, une cour d'arbitrage pour régler sans heurts les litiges qui pourraient se produire entre les uns avec les autres. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement, oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. Il pourra la prendre aussitôt, un territoire déterminé pourra la prendre aussitôt s'il vote non au référendum du 28 septembre. Cela signifiera qu'il ne veut pas faire partie de la communauté proposée et qu'il fait en somme sécession et qu'il veut suivre son chemin lui-même, isolément, à ses risques et périls. La métropole en tirera les conséquences. Et je garantis qu'elle ne s'y opposera pas. Le discours de Brazzaville frappe les esprits puisque le nom de Gaulle est associé à l'ancienne capitale de la France libre. Mais partout où il passe, à Tananarive avant d'arriver à Brazzaville, puis à Abidjan, Conakry et Dakar, tout le monde est frappé par les ambiguïtés volontaires ou involontaires que comporte son discours. Alors que les Africains attendent le mot « indépendance », De Gaulle parle de la communauté. La communauté n'est plus la colonisation. La communauté n'est pas non plus le Commonwealth, puisque le Commonwealth suppose des États autonomes ou indépendants. Mais en instaurant des gouvernements autonomes, la communauté mettait l'Afrique sur la voie de l'indépendance. Du côté des Africains, il va y avoir donc des discussions passionnées, au moins sur deux points. Il y a d'abord les mots et les choses. Faut-il absolument que le mot « indépendance » figure dans les propositions françaises ? Ou peut-on se contenter du mot « communauté » en sachant que « communauté » conduira à l'indépendance ? Il y a ensuite la question du temps, temps court et moyen terme. Faut-il prendre l'autonomie avec la perspective d'une indépendance à terme ou faut-il demander l'indépendance tout de suite?